franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la catastrophe minière de Liévin en décembre 1974, la plus importante qu'ait connue la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 42 mineurs ont péri ce jour-là. C'est aussi l'histoire d'un siècle qui n'en finit pas de mourir, celui des mineurs de France, de la révolution industrielle et des cathédrales ouvrières. Liévin fut l'un des symboles de sa prospérité, puis de son abandon. En un siècle, la mine a changé la vie, les villes et les territoires. Aujourd'hui encore, quand on roule sur les routes du Nord, on aperçoit les terrils, montagnes noires de résidus miniers. On traverse parfois des quartiers de mineurs, les corons constitués de maisons identiques qui donnent sur des fenêtres semblables. C'est ce temps qui paraît si lointain, mais qui ne s'arrêta pourtant qu'il y a à peine 20 ans, que nous allons traverser aujourd'hui dans Affaires sensibles. La catastrophe de Liévin, c'est aussi l'histoire des conditions de travail des mineurs et leurs conséquences. De la mort instantanée et brutale par les coups de grisou et les accidents du fond du trou, comme celle plus longue, terrible et insupportable de ces hommes emportés par la silicose, cette bombe à retardement. C'est enfin l'histoire de la fin d'un monde et de son souvenir que portent aujourd'hui les enfants mineurs. Pour parler de cette catastrophe et de son souvenir, nous accueillerons en seconde partie André Verret, fils d'André Verret, qui fut l'un des rescapés de l'accident meurtrier du 27 décembre 1974. Il préside l'association du même nom. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination, Christophe Barrère. Attaché de production, Léa Dubouyenquin, Ida Bory. Programmation musicale, Thierry Dupin. Réalisation, Coyen Guyen et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos, Sacha Tropp. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 27 décembre 1974, Liévin, 5 heures du matin. Dans les corons de cette ville du Nord Pas-de-Calais, collée à Lens, c'est la reprise pour une centaine de mineurs. Dans ce quartier, la vie suit les rythmes de la roue du chevalement de la mine, cette structure gigantesque faite d'acier et de fer qui semble toucher le ciel. Mais c'est vers les entrailles de la terre qu'elle engloutit chaque jour ces mineurs de fond pour une bataille souterraine. À Liévin, la compagnie des mines a ouvert ses portes un jour de décembre 1862. C'était le temps des révolutions des hommes et des machines. Le charbon était alors l'énergie d'un monde en marche vers le progrès. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, l'État crée les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. Les mines de France sont nationalisées et la place du charbon diminue. En 1968, après plus d'un siècle de croissance et d'expansion, l'État décrète une réduction de la production en la diminuant de 3 millions de tonnes tous les ans. Le bassin du Nord est l'un des plus touchés, passant de 131 000 à 47 000 mineurs. Ce 27 décembre 1974, ils sont les derniers d'une génération, derniers survivants d'une époque en fin de vie. Après 5 jours d'interruption, une centaine d'entre eux, ceux de la fosse 3 de l'unité de production 19 de Lens, reprennent le chemin de la mine. Ils marchent en silence vers le carreau. Pour leurs femmes aussi, la journée commence, celle de l'attente et de l'interminable crainte. Sera-t-il de retour ce soir? Car dans les corons, la mort est une compagne de tous les instants. Elle s'infiltre dans les esprits et hante la mémoire. Tous connaissent l'arrière-cour de la prospérité florissante de la révolution industrielle, celle des victimes, des laissés pour compte, à qui l'on demande de produire plus et plus vite, malgré les risques. Ils connaissent l'histoire de Courrières en 1906 et ses 1099 victimes, mais aussi les accidents récents de la région. À Liévin, le dernier date de 1965, une explosion due au grisou qui a tué 21 mineurs. Ce 27 décembre 1974, à Liévin, dans la fosse 3 bis dite Saint-Aimé, ils sont encore une centaine d'hommes à risquer leur vie pour faire vivre leurs proches. Dans le vestiaire, ils prennent leurs lampes, puis ils s'entassent dans l'ascenseur du chevalement. Dans la nuit, l'équipe de sécurité a contrôlé l'état des cadres et la teneur en grisou. Rien n'est à signaler, une nouvelle journée débute. Mètre après mètre, les houilleurs descendent vers la ville souterraine. Il y a 2 départs. À 5h05, une première équipe s'arrête au quartier de la Jeanne. À 5h19, une seconde équipe, constituée de 48 hommes, débarque au quartier des Six Sillons, situé à 710 mètres fond, oui, rendez-vous compte, 710 mètres. Ils ont pour mission d'aménager une taille pour permettre l'extraction prochaine du charbon. Parmi eux, il y a Alphonse Baran, Ahmed Bet Lansenourli, Louis Brasseur, Édouard Dupuis, Jean Kubiak, André Vérez, Joseph Zulowski, Edmond Kakmek, Henri Aubert, Adrien Pruvot et des dizaines d'autres. Ils ont entre 25 et 52 ans, ils sont électriciens, graisseurs, sondeurs, abatteurs, patrouilleurs, agents de maîtrise en charge de l'installation ou chef d'équipe. Mais à 6h15, une explosion renverse et brise ces vies. La mort frappe de nouveau dans les couloirs de la mine et dans la vie des corons. 42 lampes de mineurs s'éteignent à jamais. Que s'est-il passé ? À votre avis, ça peut être dû à quoi cette explosion ? Poussière, c'est nous. Et ça a ravagé un grand secteur ? Oh ouais, un arbre théon, si j'ai plus de encore d'eau au fond. Qui sont encore au fond et on peut pas les retirer ? Oh, si, on peut, hein, si. Lorsque ça sera aéré ? Ouais, ouais. C'est encore dangereux ? Oh ouais, ça sort plus quand le monde. Personne ne les connaît actuellement. Attention, Godard, Henri. Pierre. Hein ? Henri. Attention, allez monsieur, allez. Et Godard. Godard. Attention. Oh, je connais pas tout le monde. Attention monsieur. On a fait 36 ans là-dedans, c'est ce que c'est. Hein. On a un coup de grise ou de poussière, il n'y a pas beaucoup de chance. Il n'y a qu'à se rappeler courir et il ne restait combien. Dès l'alerte, ils sont des dizaines, femmes, enfants, camarades et retraités des mines à courir devant les portes. Blottis sous d'épais manteaux, se couvrant à peine la tête contre cette pluie fine mais continue, ils attendent l'annonce des blessés et des morts. À intervalles réguliers, on entend au loin la roue du chevalement tourner de nouveau. Ils le savent tous, ce sont des corps calcinés que l'on remonte. Puis c'est le bruit des portes qui s'ouvrent, qui fait taire les murmures. Un gendarme ou un mineur annonce le nombre et le nom des victimes. Des femmes pleurent, d'autres interrogent, espèrent encore. Et Henri Aubert, et Pierre Godard, sont-ils en vie ? Comment vont-ils ? Toute la journée, le nombre de morts ne cesse de grimper. Ils débutent à 7, puis 11, 15, à 20 heures. Ils sont 40 disparus. Le drame de Liévin devient celui d'un pays. Dès la matinée, des équipes de presse, régionales comme nationales, arrivent. En direct, elles suivent les événements, racontent l'atmosphère, l'attente et s'entretiennent avec les rescapés présents lors de l'explosion. Electro et mon copain y a été tué. C'est moi qui l'ai embrassé. Vous les connaissiez tous, quoi, autrement dit. Bah oui. Et on y pense à accident ou pas ? Bah moi, j'ai jamais vu un coup de grisou. Hein. J'ai déjà remonté à tuer, mais j'ai jamais vu un coup de grisou. Mais alors, je l'ai vu, là. Ça fait du bruit, beaucoup de bruit ? Bah oui. Bon, je peux vous dire, j'ai remonté le dernier, là. C'est un gars qui reste ici à 50 mètres. Il y a seulement que quand que j'ai. Parce que moi, j'avais pris sa lampe. On a tous une lampe. Bon, c'est pas beau voir, hein. Il n'y avait plus de tête, il n'y avait plus de jambes. Et son copain, il lui tenait le. Et il parie ici qu'il tenait. Puis lui, était rentré dans le tuyau, lui. Tout son corps. Voilà. C'est un grand souffle, en réalité, qui projette tout loin. Ouais, ils sont grillés, ils sont morts. Il doit être mort sous le coup, hein. Il n'y a pas. Pff. Le contrôle ne permet pas de déceler un coup de grisou éventuel ? Ben non, ça peut sortir d'un seul coup, hein. Le coup de grisou, c'est la crainte de tout mineur. C'est un gaz contenu dans le charbon qui s'échappe lors de l'extraction. Si sa teneur dépasse les 6% dans l'air, il explose à la moindre étincelle. L'autre cauchemar des mineurs, ce sont les poussières de charbon. Non contentes de s'infiltrer dans les poumons des hommes, elles recouvrent les parois des souterrains. Elles aussi sont hautement inflammables. Dans les deux cas, des mesures de sécurité et de prévention existent, comme l'arrosage des parois pour éviter l'accumulation de poussière, l'aération des galeries ou encore la détection du danger grâce à des nouveaux appareils techniques comme les télégrisoumètres qui peuvent calculer la teneur du grisou dans l'air. Alors, ces équipements étaient-ils en place dans ce puits ? A-t-on arrosé, ventilé correctement ? Pour l'instant, personne ne le sait. Mais pour les syndicats, une chose est sûre, la fatalité, ça n'existe pas. Le chef de l'unité de production, Monsieur Cuvelette, qui vient de remonter, donne quelques informations sur l'état de la galerie des Six Sillons, le lieu du drame. J'ai parcouru les galeries, si vous voulez, dans lesquelles se produit l'explosion. et où j'ai trouvé pratiquement toutes les victimes. Est-ce qu'il y a eu des éboulements de... Non, pratiquement, il y a peu d'effets mécaniques dans les travaux que j'ai visités, tous les travaux que j'ai visités. J'ai pu parcourir normalement les galeries dans lesquelles j'ai malheureusement retrouvé les victimes. Techniquement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment était ce chantier de 6 sillons ? Absolument pas, c'était un chantier situé uniquement en préparation, pour préparer une taille. Il n'y avait pas d'exploitation dans ce chantier. Et je ne peux pas actuellement dire quelle est la cause de cette catastrophe. C'est une catastrophe qui se produit inéluctablement, disons, les coups de grisou, on ne peut rien y faire. Je ne peux pas vous répondre, si vous voulez. Normalement, il ne doit pas y avoir d'accumulation de grisou et pas de raison d'allumer ce grisou. À la fin de la journée, 41 corps sont remontés sans vie du quartier des 6 sillons. Un 42e mineur meurt quelques heures plus tard à l'hôpital. 8 hommes sont grièvement blessés, 109 enfants deviennent orphelins. Le lendemain, les centrales syndicales appellent à l'arrêt de travail. Elles sont suivies par une grande partie des mineurs. Dans le pays, le drame de Liévin fait la une de la Voix du Nord jusqu'au journal Le Monde. Libération, qui est alors un journal proche de la gauche radicale, titre « 40, ils en ont assassiné 40 ». Ils, ce sont les Houillères, l'entreprise publique en charge de l'exploitation des mines. Dès le lendemain de la catastrophe, elles se retrouvent sous les feux des projecteurs. Un par un, méticuleusement, ces cadres déclarent n'avoir en aucun cas failli, comme Monsieur Raviard, responsable de la sécurité, qui répond aux questions des journalistes de la première chaîne. La sécurité, c'est une affaire de tous les jours. Des moyens importants en personnel sont utilisés en permanence pour la sécurité. Sur le seul siège où s'est produit l'accident d'hier, plus de 120 personnes font chaque jour et uniquement de la sécurité. Dans le domaine technique, il y a eu de nombreux progrès de fait dans la prévention, puisqu'il y a sur le siège 200 trop de télégrisométrie. À l'heure actuelle, les services techniques de l'UP de Lens, du bassin et le centre d'études et de recherche de charbonnage font l'enquête technique. Le service des mines, c'est-à-dire l'administration, fait elle aussi son enquête technique. Le problème n'est pas simple. Actuellement, nous ne connaissons pas les causes. Il est bien certain que c'est là que nous devons faire tous nos efforts pour découvrir ces causes, aller jusqu'au bout du chose. L'enquête des services des mines n'est pas la seule diligentée. Dès le vendredi, l'appareil judiciaire de la région est entré en marche. Le parquet de Béthune a envoyé dans les premières heures le juge d'instruction de permanence, un certain Henri Pascal. La coïncidence fait que ce juge n'est pas un inconnu dans la région. À 54 ans, il était en charge d'affaires médiatiques, dont la dernière n'est autre que l'assassinat d'une jeune adolescente d'origine modeste à Bruay-en-Artois. Souvenez-vous de l'affaire de Bruay-en-Artois. C'est lors de cette enquête qu'on lui a attribué le surnom du petit juge Pascal, parce qu'il avait osé inculper le notaire du coin. Il est un juge, disons, nouvelle génération. Il défend son indépendance, se méfie de toutes les formes de pouvoir qui souhaiteraient jeter un œil sur son enquête et s'autorise parfois à livrer des confidences aux journalistes pour l'aider dans sa tâche. Le 29 décembre, il annonce sur France Inter la désignation d'experts indépendants des services des mines qui se rendront dès le lendemain au fond du puits avec lui. Lorsqu'il remonte, c'est l'effervescence autour du juge encore coiffé d'un casque blanc, d'une combinaison bleue et d'une écharpe autour du cou. Le visage transpirant et noirci, il répond aux journalistes. Bon, il ne dit rien de spécial, mis à part qu'il s'agit d'une première descente qui en appelle d'autres. Il annonce que l'enquête sera longue et fastidieuse pour établir la vérité des faits et surtout les responsabilités. Le lendemain, le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année. Dans toute la France, on prépare le réveillon à Liévin. On enterre les morts. Depuis le lever du jour, les gens de la région et d'ailleurs se rassemblent aux abords de la mairie de Liévin. La veille, des cars sont partis d'Allemagne, de Belgique et d'Angleterre, remplis de camarades, balancés aussi la corde au cou dans les mines. À côté d'eux se tiennent les gens du Nord, les veuves et les 109 enfants devenus orphelins. Événement exceptionnel, la télévision et son présentateur vedette, Léon Zitrone, ont fait le déplacement. Les funérailles sont quasi nationales, elles sont à la charge des pouvoirs publics et des houillères du Nord-Pas-de-Calais. Du côté des officiels, le chef du gouvernement, Jacques Chirac, lui aussi, est là, accompagné de 3 ministres. Dès son arrivée, il salue les cercueils, puis s'installe en tribune et observe le parvis. Devant lui, 31 cercueils, 11 ont refusé les honneurs de la ville et de l'entreprise, et 180 gueules noires aux combinaisons bleues et casques blancs illuminés un par un par les rayons du soleil d'hiver. Ici, ce n'est pas le vent frais qui glace, mais le silence et la fierté de ces hommes qui accompagnent leurs frères d'armes, ceux de la bataille des fonds des mines, pour leur dernier trajet. Vers 10h, la cérémonie commence. L'évêque d'Arras, Mgr Huyghe, est le premier à prendre la parole. Il cède ensuite sa place à François Serjac, délégué CFDT de la Fosse 3, qui parle au nom de l'ensemble des organisations syndicales. Nous, les mineurs, nous ressentons au plus profond de notre être le bouleversement que provoque une telle tragédie et la souffrance de toutes ces familles si durement éprouvées. Et cela parce que nous les avons vécues trop souvent, chaque année et depuis de nombreuses années, à travers chacun des accidents mortels, collectifs ou individuels, qui ont marqué la dure réalité du métier de la mine. Souvenons-nous, février 1970, 16 tués à la fosse 6 de Courrières. Février 1965, 21 tués à la fosse 7 de Liévin. Et combien d'autres? Nous ne pouvons pas nous empêcher de poser ces questions. La réglementation actuelle est-elle suffisante? Les connaissances et les mesures de sécurité sont-elles suffisamment développées? Car derrière les sanglots, on entend désormais les accusations contre les dirigeants de la mine. Henri Darras, député-maire socialiste de Liévin, y va aussi de son petit mot contre la fatalité, qu'on appelle trop souvent à la rescousse pour cacher les erreurs et les errances des chefs. Pour lui, il n'y a pas de risque inévitable. Le délégué syndical, comme le maire socialiste, demande la vérité sur la catastrophe et réclame de nouvelles règles de sécurité pour protéger les mineurs et éviter que cela ne recommence ailleurs. Sécurité et vérité, c'est exactement ce qu'est venu promettre Jacques Chirac au mineur du bassin. Devant les caméras, il en prend l'engagement. Je ne vous redirai pas ce que les hommes de la mine, leurs femmes, leurs enfants, ont entendu déjà des centaines de fois depuis un siècle. Vous le savez bien mieux et bien plus fondamentalement que nous. Je vous dirai seulement, en tant que Premier ministre du gouvernement de la République, que je sais ce qu'il implique de risque et aussi de courage. Ce qu'il m'appartient par contre de vous dire ici, aussi clairement que possible, c'est qu'au risque que prennent les hommes de la mine doit, c'est vrai, répondre de plus en plus et de plus en plus rigoureusement la responsabilité de tous ceux qui dirigent et qui contrôlent la marche des charbonnages. Je vous dis que toute la lumière sera faite sur les conditions dans lesquelles la catastrophe de la fosse 3 s'est produite. Je vous dis que toutes les conséquences en seront tirées. Après les discours, l'orchestre de la ville entame les premières notes de la marche funèbre. Le cortège, constitué des frères d'armes, des veuves et des orphelins, se met en place sous un mélange de pluie et de neige. Les 31 cercueils sont placés dans les voitures corbillards, puis transportés au cimetière. Surplombant le paysage, au loin, on aperçoit les chevalements de fer et les terrils. Car c'est là-bas, oui là-bas, que se trouvent les réponses aux interrogations des jours derniers. Demain, une année commence, elle sera faite de révélations, mais aussi de déceptions. Il y a une route Tu apprends qu'est-ce que ça te coûte. Une route, y a même un chien qui court la tête entre les mains. Y a une route, tu sais, y a pendant des années des gens qui ont vécu le dos tourné sur une route abandonnée avec des marronniers sauvages qui jettent le fruit plein le paysage. Y a une route. Comme une blessure envers l'os de ton visage. telle route. Telle route. Avec des champignons qui poussent, qui font la neige et la mousse. Il y a une route qui coupe la brousse. Il y a une route emplie d'oiseaux aux yeux malades qui regardent vers l'équateur. D'où vient la fumée qui fait peur? D'où vient la fumée qui fait peur? Il y a une route. Y'a pas de tapis, y'a des fleurs comme des anémones qui attendent la pluie. Y'a une route, tous les 10 ans, y'a un marin qui jette l'encre au café du coin, qui parle de voyager plus loin. Après la route, faut prendre le train, tu descends dans le petit matin, avec ta valise à la main. Y'a tellement de bruit que t'as plus d'oreilles. Puis finalement tout est pareil. Parce qu'il y a une route. Tu l'allonges ou tu la coupes. Tu t'allonges et on te passe dessus. Ou tu te lèves et on te tire dessus. Mais il y a une route, c'est mieux que rien. Sous tes semelles c'est dur et ça tient. Oui, monsieur Devine, s'il vous plaît. Dès le 8 janvier 1975, le juge Pascal redescend au fond de la fosse numéro 3 avec ses experts, ceux des services des mines et les représentants des syndicats qui se sont portés partie civile au début de l'année. Ils y retournent les 17 et 28 janvier. Lors de ces marches souterraines, le juge s'imprègne des conditions de travail des mineurs, confrontant ce qu'il voit à ce qui est édicté dans le règlement général des mines. De plus, ce travail d'inspection sur les lieux de la catastrophe permet aux magistrats de commencer à sonder les réactions des syndicats et des responsables concernant tel ou tel point mis en avant par l'un ou par l'autre. Et petit à petit, le juge rassemble les premiers éléments. Le 13 février, on découvre ainsi dans la presse les conclusions de l'autopsie de 2 mineurs. Le rapport confirme la présence importante de méthane, ce qui prouve que du grisou a été respiré avant l'explosion. Le 21 février, après une nouvelle descente, le juge confirme publiquement ses informations et énonce les premiers éléments de l'enquête, notamment autour des défaillances de la sécurité. Mes premières conclusions sont que pour l'instant je considère tout de même qu'il y a eu du grisou à l'endroit où ils étaient, ils ont respiré du grisou, par conséquent il y a eu un dégagement de grisou. Alors un problème se pose, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que de tels dégagements se produisent ou pas? C'est le problème de la sécurité. C'est le problème de l'étanchéité des barrages, des vieux travaux. Bon, eh bien ces barrages ne sont pas étanches, mais on était en train de les construire, alors ce sera discuté. Je ne veux pas pour l'instant faire des conclusions trop hâtives. Deuxième sorte de question, c'est la question de l'accumulation possible du grisou, c'est-à-dire de l'aérage. Troisième série de problèmes que nous nous posons, c'est le problème de la détection du grisou. Pas de télégrisomètre, absolument rien, il n'y a absolument rien pour déceler le grisou et le gazier ne passe pas partout. Quatrième sorte de problème, c'est le problème de la mise à feu, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui a pu mettre le feu au grisou. Pour moi, ça a beaucoup moins d'importance. Le reste, c'est secondaire, le principal, c'est de ne pas créer le risque, car on a créé un risque, le quartier des Sicillons a été mis dans une situation de risque. Alors il faut voir quelle en est l'origine. En avril, les experts du juge rendent leur rapport. Ils confirment l'explosion de grisou et énumèrent les défaillances. Dès la publication de ces conclusions, sur le carreau de la mine et dans les journaux, bien sûr, on réagit. Le chef du service de la sécurité, André Raviard, assure que toutes les mesures ont été prises pour prévenir justement un coup de grisou, ce que contestent les experts du juge. Ceux-ci pointent notamment la mauvaise installation des arrêts-barrages qui doivent limiter la propagation en cas d'explosion, l'absence également de passage des gaziers, la non-présence d'un grisoumètre dans le quartier des Sicillons, ou bien encore des isolements mal achevés de certains travaux dans la veine. Lors d'une nouvelle conférence de presse, celle du 24 mai, Henri Pascal précise certains éléments de ce dossier et s'arrête sur l'aération du puits. L'aérage doit être normalement ascendant, sauf dérogation du service des mines, Les houillères ont demandé une autorisation de changement de sens d'aérage, une autorisation de culbute d'aérage, pour l'exploitation de la taille qui était en croisement. Cette autorisation a été demandée le 18 novembre 1974. Elle est arrivée aux houillères le 28 décembre, c'est-à-dire le lendemain de la catastrophe. Mais elle était datée du 24 décembre. Et cet aérage descendant était appliqué depuis combien de temps ? Et cet aérage descendant était appliqué depuis le 7 décembre. Sans autorisation ? Sans autorisation. L'ingénieur en chef des mines lui-même reconnaît, admet qu'il y avait là une conduite irrégulière de la part des houillères. Ce 24 mai, le juge Pascal annonce également à la presse qu'il va dans les prochains jours inculper les premiers responsables. Et le 5 juin, la nouvelle tombe, Augustin Coquidet, chef du siège 19 de Lens, est inculpé pour homicide et blessures involontaires. Le juge le promet, il s'agit d'une première inculpation qui en appelle d'autres dans les sphères les plus hautes de l'administration des mines. Face à cette inculpation, les cadres et les ingénieurs des houillères se mettent en grève, symboliquement pour soutenir Augustin Coquidet. Dans le même temps, Pierre Delmont, président des houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais, apporte son soutien à M. Coquidet et parle, lui, d'une comédie. Je vais peut-être employer là une formule grave, mais je la reprends parce que c'est celle qui est ressentie par, je dirais, mes collaborateurs et mes amis du Nord et du Pas-de-Calais. Ils ont un peu le sentiment de participer et d'être victimes d'une sorte de comédie dont ils ne comprennent pas le sens et qui choque leur esprit d'équité, de justice et de solidarité avec tous leurs ouvriers et notamment bien sûr avec les familles des malheureuses victimes de Liévin. En coulisses, la bataille fait rage. Même si le rapport des experts des houillères n'est toujours pas rendu, il réfute déjà certaines informations du juge. Sur le plan judiciaire, ce sont les avocats d'Augustin Coquidet qui pointent les défaillances juridiques de l'inculpation. Il déclare notamment que lors des différentes descentes du magistrat, il n'y avait pas de secrétaire greffier pour prendre note. De plus, lors du premier interrogatoire de l'inculpé, le juge a lu les contenus des différentes expertises indiquant que des fautes avaient été commises alors qu'Augustin Coquidet n'était pas assisté par un avocat. À la télévision, les deux camps se font face. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui s'appelle André Verret, il est le fils d'André Verret, qui fut l'un des rescapés de l'accident meurtrier du 27 décembre 1974 à Liévin. Au milieu de l'été, le 25 juillet 1975, Henri Pascal est dessaisi du dossier sur décision de la chambre d'accusation de Douai après 6 mois d'investigation. Évidemment, c'est un coup dur pour les plaignants, car l'ensemble des procès-verbaux consignant les descentes réalisées à la suite de l'accident par le juge sont annulés, comme l'inculpation du chef du siège 19. L'enquête redémarre sous l'autorité d'un autre juge. Le jour même, devant les caméras, le juge Pascal prend la parole et s'explique sur les deux cas d'annulation. Lors des descentes, il n'y avait pas de greffier parce qu'il ne souhaitait pas interroger les gens au fond de la mine. S'il y a eu interrogatoire, c'était à la surface, dans les locaux des houillères et bien en présence du secrétaire greffier. Concernant maintenant l'interrogatoire d'Augustin Coquidet, c'est lui seul, Coquidet, qui a dit « sans qu'aucune question ne lui soit posée, je n'ai commis aucune faute, je n'ai rien à déclarer ». Amer, Henri Pascal conclut son interview en forme de réquisitoire avec ces mots. Car l'information étant annulée, eh bien, ce qui va être réel, c'est que les ingénieurs du service des mines vont maintenant déposer leur rapport, dans lequel, évidemment, ils vont conclure à l'irresponsabilité totale des houillères et ils concluront à la fatalité. Toutes les fois qu'un juge d'instruction s'en prend aux membres d'une certaine caste, aussitôt on assiste à une levée de bouclier extraordinaire des autres membres de cette caste, et ce pauvre juge d'instruction qui voulait lutter contre la justice de classe, on l'accuse lui de pratiquer la justice de classe. Voilà le procédé qu'on emploie, on continue à le faire. Alors une fois de plus, ce sera la fatalité, pour une fois elle est à naître autrement. On a su bien sûr que j'allais inculper des gens plus haut et beaucoup plus haut certainement que M. Coquidet, on y a mis le voilà, et maintenant il pense que tout est fini. Tout est fini, vous savez, je pense que le prestige de la justice ne va pas s'en sortir ainsi. Et je me demande pour qui nous devons passer, nous, magistrats français, aux yeux de l'étranger. Et le 26 octobre 1975, après 10 mois d'enquête, les services de la mine rendent leurs conclusions. Certes, ils constatent certaines infractions au règlement général des mines, mais qui, selon eux, n'ont eu aucune conséquence ou lien avec la catastrophe du 27 décembre 1974. Point par point, ils contredisent les conclusions des experts judiciaires, allant jusqu'à mettre en cause la nature du drame. Pour eux, ce n'est pas un coup de grisou qui est à la source de l'explosion, mais une inflammation des poussières de schiste. Une nouvelle demande d'expertise coordonnée par des experts internationaux est alors demandée par le nouveau juge en charge du dossier. Ce nouveau rapport met en avant l'hypothèse de la cassure d'un flexible à air comprimé comme source du drame et de l'étincelle. Sa déchirure aurait provoqué une turbulence ayant attiré et enflammé le grisou. L'enquête suit son cours, désormais à l'abri des regards. Et 4 ans après la catastrophe, en juin 1978, la chambre d'accusation de Douai renvoie Augustin Coquidet devant le tribunal de Béthune. Le 3 novembre 1980, le procès s'ouvre. Sur le banc des accusés, une seule personne, Augustin Coquidet. Le directeur et l'ingénieur en chef des Houillères n'ont pas été inculpés. Ils comparaissent assignés en citation directe par le syndicat CFDT défendu par Maître Henri Leclerc. Dans la salle, seulement 4 veuves de la partie civile ont fait le déplacement pour assister aux 6 jours d'audience. Mais le procès s'enferme dans une dimension technique de la catastrophe où les experts se contredisent sur les raisons de l'explosion. L'aspect humain, celui des conditions de vie des mineurs, des veuves et des orphelins, n'est abordé qu'à la marge. Le grand procès espéré contre les directions des mines n'aura pas lieu. Le 22 janvier 1981, après 2 mois de délibération, le tribunal correctionnel de Béthune condamne l'ingénieur en chef de la fosse, Augustin Coquidet, pour négligence et absence de moyens de détection en relation directe avec la catastrophe. En d'autres termes, l'accumulation de grisou aurait pu être détectée. Il est condamné pour cela à une amende de 10 000 francs et 1 000 francs de dommages et intérêts au syndicat. Il est reconnu coupable d'homicide et blessures involontaires. 1 an plus tard, la commission de la sécurité sociale rejette la demande des veuves d'établir la faute inexcusable de l'entreprise qui se serait traduite par une majoration de 50% de leur pension. C'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. 10 ans après le procès, le 21 décembre 1990, à Boigny, on ferme le dernier puits en activité. Désormais, sur ces plaines du Nord-Pas-de-Calais, on voit parfois des terrils et des chevalements. Ils sont les vestiges d'un temps révolu, celui des mineurs de France dont la mémoire et la tradition sont portées désormais par leurs enfants et aussi par quelques artistes, poètes, chanteurs, à l'image de ces quelques vers de Pierre Bachelet dans sa chanson « Les Corons ». Je leur dédie ces mots que je grave en la pierre, ceux qui cachent leurs mots sous des lauriers sans gloire, car ils mourront un jour pour un pain de misère sans jamais contempler que des horizons noirs. De petites flaques, un oiseau qui boite sur le chemin, donnons-nous la main, sautons la barrière, dans les fougères, cherchons les fleurs de l'accroche-cœur. De Caroline à Madeleine, Christophe ou Lison, sur la colline, au Coraline chante cette chanson. Si les paroles sont un peu folles, c'est que les enfants inventent tout le temps. Chasse l'autruche, à cache-cache à l'autruche, 4 moutons fument sur le balcon. De Caroline à Madeleine, Christophe ou Lison, sur la colline, au Coraline, chante cette chanson. Changeons le monde, une seconde, ça fera pas de mal au règne animal. C'est la baleine qui fera la laine et le chasseur qui aura peur. De Caroline à Madeleine, Christophe ou Lison, sur la colline, au Coraline, chante cette chanson. Le joueur de flûte a fait la culbute, son pantalon n'a plus de fond. La nuit qui tombe fait grandir les ombres, il faut rentrer, maman va s'inquiéter. Et Caroline, et Madeleine, Christophe ou Lison, sur la colline, au Coraline, se sépare en chanson. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Bonjour André Verret. Bonjour. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes le fils de l'un des 8 rescapés de la catastrophe de Liévin. Vous étiez dans l'équipe dans le quartier des Sicillons, votre père était dans le quartier des Sicillons, cette équipe qui travaillait là lors de l'explosion. Et puis vous êtes le président de l'association du 27 décembre 1974. Je voudrais d'abord recueillir votre sentiment à l'écoute des archives que vous avez entendues et du récit qui constitue pour vous une tranche de vie réelle vécue. Oui, tout à fait, parce que tout simplement, je crois que ce que vous avez énoncé à travers ce reportage est tout à fait fidèle à ce qui s'est passé sur le terrain à tous les niveaux. À tous les niveaux, je reprendrai certaines choses par rapport, par exemple, au juge Pascal. Oui. Le juge Pascal qui, effectivement, était connu par ailleurs dans l'affaire de Bruy-en-Artois, bien évidemment, et pour lequel, très longtemps, il s'est servi un peu des médias, et c'était pratiquement le premier juge à se servir autant des médias pour parler de ce qui n'allait pas, et on avait l'impression surtout que c'était de défendre la richesse contre la pauvreté. En fait, il est la matrice des juges modernes dès lors qu'ils sont indépendants. Voilà, c'est un peu ça, hein. Oui, c'était ça. Et puis, il est arrivé une autre chose, c'est que c'était également le premier juge à descendre au fond de la mine. Et effectivement, il est descendu, enfin seul, accompagné d'experts et autres, pour faire des constatations, et avec un peu de recul. Et peut-être parce que le juge Pascal n'a pas osé ou ne s'est pas souvenu, tout simplement, que à l'époque, aucune personne du sexe féminin ne pouvait descendre au fond. Et il avait non pas un greffier, mais une greffière. Donc, peut-être qu'il y a eu cette chose-là qui a basculé un peu, et forcément, il a ouvert une brèche, peut-être sans s'en apercevoir, et c'est une cause de rejet. Et je sais également que par la suite, il a été également jugé, le juge, tout simplement pour violation du secret d'instruction. Ouais. Il a été condamné. Je crois que là, c'était assez important. Dans le descriptif que vous avez fait tout à l'heure, alors peut-être n'ai-je pas entendu exactement tous les noms, mais il y avait un rescapé qui s'appelait Monsieur Ranieri. Effectivement, pas cité. Pas cité, il me semble. Citer, non. Hein, voilà. Mais tout simplement pour vous dire un peu la particularité de Monsieur Ranieri, qui... ce monsieur, après le coup de Grisou, maintenant on peut l'appeler ainsi, a tout simplement pris peur, a paniqué, il est remonté seul, il est reparti chez lui. Mais il était au fond du puits au moment où cette explosion est arrivée, il a été protégé par je ne sais trop quel événement. Et toujours est-il que c'était donc des blessures plus psychologiques, il est rentré, il s'est terré chez lui, on ne l'a plus vu, quoi. Et donc, forcément, on l'a pas remonté, personne ne l'a vu, puisqu'il a fait ça tellement discrètement. Il lui a fallu quand même quelques années pour avoir la reconnaissance des Houillères comme rescapé de cette catastrophe. Alors, justement, la vie des mineurs, on l'a dit, c'est du risque. Heureusement, ça n'est pas que du risque. S'ils avaient peur tous les jours, ce serait infernal. Bon, c'est une culture, la vie des mineurs. J'imagine, je vous pose la question, j'imagine que c'est une solidarité, c'est presque un langage commun, c'est une vie commune dans les corons. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Vous savez, on a pour habitude de montrer, on le faisait peut-être un peu moins avant, mais de montrer un peu ces corons comme des cités bizarres, toutes les maisons sont identiques, c'est triste, en plus les conditions météo ne sont pas toujours favorables. C'est pas tout à fait ça, tout à fait. Hein. Parce que, tout simplement, quand on voit un peu la vie des cités minières, c'était la joie également. Alors, c'était la joie et il y avait des liens forts. Chaque maison, même si elles étaient identiques, avait leur jardin, tout simplement. Et c'était beaucoup. C'était beaucoup parce que c'était aussi un moment d'échange par moment. Toutes ces maisons, tous ces jardins se côtoyaient et donc ça pouvait permettre beaucoup d'échanges. Et puis vous aviez... C'est une communauté, ça s'appelle une communauté, C'était une communauté. Vous aviez ces dames qui... à 99% ne travaillaient pas à l'extérieur, s'occupaient de leur famille. Et qui, eh ben, ils allaient boire le café l'après-midi avec leurs voisines. Bon, ils allaient. Puis il y avait des jours dans une semaine, très, vous savez, le lundi, c'était le nettoyage du linge, de la lessive et compagnie. Ça durait une journée. C'était ritualisé. Oui. C'était. Et puis il y avait quand même aussi cette solidarité qu'on a toujours retrouvée chez les mineurs. C'est lorsque un mineur n'était pas bien, qui était accidenté, forcément il y avait cette solidarité qui jouait. Et même par rapport à la catastrophe, la solidarité qui existait entre les mineurs n'est pas restée liévin intramuros. C'était la France entière. On l'a dit, il y avait même l'étranger. Comment ? Même l'étranger, oui, tout à fait. Et nous sommes aujourd'hui très très amis avec des mineurs de Marcinelle en Belgique, et pour lequel il y a eu des liens très forts qui se sont unis entre nous, parce qu'ils ont connu aussi plus de 242 morts, je crois, dans une catastrophe, même s'ils étaient essentiellement italiens, enfin d'origine étrangère, qui n'avaient rien à voir avec la Belgique. Mais il y a ces liens qui existent encore. Et quand je les rencontre, c'est vraiment de l'amitié, c'est vraiment de la convivialité. C'est l'international minière. Je vous propose on va écouter ensemble la voix de votre père. D'accord ? D'accord. Hein ? C'était en 1993 pour le journal de France 3, et bien sûr, il revient sur le drame. C'est arrivé d'un seul coup. On n'a rien vu, on n'a pas rien vu. On a vu qu'on était tombé par terre. On a vu des poussières enflammées, tout ce qu'on a vu. Moi, je criais après mon camarade criait après moi, et puis on s'est retrouvé là comme ça, par hasard. Là, c'est quand, c'est à l'arrivée à l'hôpital. Vous voyez, j'étais déjà brûlé, gonflé, tout ce qu'on veut. Des blessés, on en avait toujours. Un coup, c'était un doigt, un coup, c'était une jambe, un coup, c'était les mains. On avait tout de un morceau de quatre paires qui partait. Mais malgré tout, on était content. Quand c'était guéri, on est retourné comme rien n'était. Oui, autrement, il n'y aurait jamais été sorti de Cherbon. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'il nous dit, votre père ? Il est conscient de la difficulté du métier. Il est conscient aussi de son attachement au métier, comme une culture. Et puis, il est conscient aussi que ceux qui dirigent ne prennent pas en compte, toujours, et assez, le risque minier. Oui, effectivement, combien de fois, même avant les catastrophes, il abordait un peu le sujet de la sécurité. Ensuite, le risque, il était omniprésent chez tous les mineurs. Chacun savait que, on descendait sans jamais être sûr de remonter, pour des tas de raisons. Mon père a subi, 4 ou 5 accidents, dont plus ou moins graves. Mais il avait également, et moi qui habitais, donc avec mes parents à l'époque, près d'une fosse à 100 mètres, il était très très courant de voir une ambulance transporter un blessé. Je remercie souvent des blessés légers, c'était pas mal. Il était fils de mineur aussi ? Oui, alors il était fils de mineur, et j'avais donc ma grand-mère qui était également à la mine, qui a travaillé à la mine. Ah, il n'y a pas de femme, vous me disiez ? Non, mais dans le temps, très très... Oui, vous aviez donc les oui, dames... Oui, il y a même des enfants, voilà. Oui, donc j'avais mes grands-parents qui étaient effectivement issus de la mine, qui ont travaillé pour la mine. Racontez-moi le 27 décembre 1974, quand vous apprenez la nouvelle de l'accident, est-ce que vous savez immédiatement que votre père s'en est sorti ou non ? Comment ça se passe ? C'est peut-être un peu douloureux de repartir dans ses souvenirs, mais nous sommes là pour témoigner aussi. Oui, je sais, non, tout simplement. Écoutez, je travaillais sur Arras, donc j'ai reçu un coup de téléphone au bureau, vers 10h, 10h30 à peu près, en me disant, écoutez, votre père a eu un accident à la mine, il est à l'hôpital de Lens. Point final, on ne m'a rien dit d'autre. Donc, je me suis un peu précipité, parce que mes parents n'avaient pas de voiture, donc je me suis précipité pour aller rejoindre ma mère tout de suite, et puis partir à l'hôpital, et dans la voiture, à la radio, j'ai entendu qu'il y avait effectivement une catastrophe à Liévin. Mais c'était vraiment dans les premières heures, et donc... pas trop trop d'informations, quoi, que des suppositions. Ce qui est anxiogène d'ailleurs, hein, quand comment on a, c'est anxiogène de ne pas avoir d'informations, ça inquiète encore plus. Tout à fait. Et donc je suis arrivé avec ma mère et j'ai ouvert la chambre de mon père. Et je peux vous assurer que j'ai fait un peu en arrière parce que je ne le reconnaissais pas. Quelles étaient ses blessures ? Ah bon, il avait le visage enflé, bouffi, par le souffle de la chaleur, du feu. Hein, donc, il avait au moins augmenté, bon, je n'ai pas pu calculer, mais au moins de 20 à 25 %. Quoi. Donc, il avait une tête difforme, hein, toute brûlée, impactée de particules de charbon, de poussière. Hein, d'accord. Il avait les mains palmées. Ce sont comme des blessures de guerre, ce que vous racontez. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Je vous avouerai que donc, ça a été très très long à remettre. Il n'a pas eu de fracture. Mm-hmm. Et ce qui l'a sauvé, tout simplement, c'est qu'il travaillait dans un coin où il y avait des courants d'air. Et il a laissé son pull pour travailler, pour ne pas avoir froid. Ah. Et c'est son pull qui l'a protégé de la cage thoracique qui lui a évité les brûlures. Alors... Aussitôt, il y a eu effectivement des professeurs de Lyon qui sont descendus, spécialisés dans les crânes brûlés, et le diagnostic avait dit qu'il faut attendre 3 ou 4 jours pour voir la suite si à l'intérieur ça n'a pas été brûlé. Et ça, à l'époque, nous n'avions pas la maîtrise médicale pour L'imagerie médicale pour bien sûr. Donc, il a fallu attendre, et là, il n'avait pas été brûlé. Quoi. Et comment il a vécu l'après-catastrophe ? Est-ce qu'il est parti travailler de nouveau dans la mine quand il a été ? Est-ce qu'il a changé de métier ? Comment c'est passé, rapidement ? Écoutez, non, il a eu une absence de travail pendant plus de 6 mois, effectivement. Et un jour, les houillères lui ont donc proposé de redescendre. C'était un non catégorique. Il n'a pas accepté. Ils lui ont proposé un poste dans une industrie comme veilleur de nuit. Ça n'a pas. Il a travaillé 3 jours. Il a dit non, je ne peux pas. Et donc, à partir de là, il a eu sa retraite. Il a pris sa retraite. Bon, il avait quand même que 47 ans. Hein. Ouais. Bon, c'est assez rare. Donc, il a fallu qu'il vive aussi, qu'il nourrisse sa famille. Parce que derrière moi, il y avait donc des frères et sœurs avec ce que les houillères pouvaient lui donner. Bon, mis à part ce qu'on appelle la rente accident de travail, qui est du régime commun et de tout le monde. Hein. Mais donc, il a fallu quand même qu'il vive, qu'il assume ces choses-là. Mais mon père a fait pendant des mois, des années, des cauchemars. Et il arrivait à un point où, d'ailleurs, il ne voulait plus trop en parler. Quoi. Mmh. Le procès, vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de ce thème-là. C'est une chose qu'il a suivi, mais un peu de loin. Quoi. Il ne voulait pas remettre. Et j'ai le sentiment encore que tous ses copains, que je connaissais peut-être un peu, mais beaucoup moins bien que lui, par moments c'était dur pour eux de parler de ce qu'ils avaient pu vivre. Oui, réouverture d'une blessure. Ah oui, hein, tout à fait. Par les voies psychologiques. Tout à fait. Ah oui. Vous habitiez dans le coron ? Non. Vous, non, vos parents n'étaient pas dans le... Non. Alors non, le hasard a voulu que, comme nous étions dans une grande famille, bon, nous étions quand même 6, hein, on a trouvé une maison, les houillères nous ont trouvé une maison dans une rue nationale, quoi, et donc, mais juste en face, il y avait des courons quand même, oui. Donc voilà. Et vous, dites-moi, sans vouloir être indiscret, votre père mineur, votre grand-père mineur, vous n'avez jamais voulu, vous, être mineur. Vous aviez 23 ans au moment où les mines étaient encore en exploitation. Alors, mon père me disait, ma mère également, si tu ne travailles pas bien à l'école, t'iras le fosse. Reprends l'expression en patois. Qui veut dire t'iras au fond, quoi. Oui, tout à fait. C'était la punition, la mine. La mine devenait la punition, en quelque oui, sorte. Oui, bon, c'était une punition, mais bon, donc, forcément... Moi, je voyais quand même quand on est jeune, on s'aperçoit de ce qui se passe autour, des risques et autres. Ça ne m'intéressait pas non plus. Hein. Et puis, donc, j'ai fait de gros efforts pour essayer de bien travailler à l'école, pour m'en sortir. Quoi. Ils étaient fiers, de toute façon. Les parents des mineurs étaient fiers de la réussite, plus ou moins, de leurs enfants sur le niveau scolaire. Parce qu'ils ne souhaitaient pas que leurs enfants descendent quand même. Hein. Oui. J'en les comprends. Quelle marque laisse cette page d'histoire, à la fois la page de l'histoire du travail, mais aussi, je le dis, d'une culture. Une culture, ça, c'est d'abord un lien. Là, il y a un lien entre ces gens. Quelle marque ça a laissé sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais? Vous vivez toujours à Lens ou à Liévin au Nord-Pas-de-Calais, non? J'habite toujours un peu plus loin quand même. Mais ce que nous sommes aperçus depuis quelques temps maintenant, c'est que il y a eu les corons ont complètement changé de physionomie, si j'ose dire. Les houillères ont laissé un peu filer les choses, et puis bon, donc on a détruit beaucoup de corons. On ne retrouve plus là où j'avais l'habitude pendant ma jeunesse de voir ces tas de corons. Tout est effacé, supprimé pour faire des constructions modernes. Et puis donc, il y a eu des apports de jeunes qui n'ont pas été inculqués, qui n'ont pas eu cette mémoire de la mine. Et c'est aussi un peu pour ça que lorsqu'on a créé l'association que je préside, c'est pour transmettre. Et c'est ce que vous faites là d'ailleurs. Et ce que je fais là à l'instant, mais ce que je fais régulièrement. Pardon, le temps presse, je voudrais qu'on ait le temps d'écouter une deuxième archive. On va passer au procès, aux indemnisations du côté des victimes vivantes. Je dis bien vivantes. Il y a 142 orphelins, mais aussi les veuves des mineurs. Et je vous propose d'écouter l'une d'entre elles, interviewée dans le cadre du documentaire de Jean-Paul Victor, qui s'appelle Le secret des grilles. Ce que je reproche, c'est qu'on a amplifié les choses sur les journaux. On nous a collé une étiquette en disant que nous avions touché des millions et des millions, ce qui est absolument faux. Moi, personnellement, j'ai eu 32 000 francs au moment de la catastrophe. Ces 32 000 francs, bon, je ne vais pas dire que j'ai tout investi dans le monument de mon mari, mais j'en ai investi une bonne partie. Et alors que les gens ont cru que on vivait très très bien, parce que justement, ces dons nous avaient permis de bien vivre. Est-ce qu'on vous a collé une étiquette? Oui. Vous me direz. Les veuves joyeuses, avec plein d'argent. Alors, ça c'est quand elle dit on nous a donné une étiquette, c'est l'étiquette des veuves joyeuses. Alors, c'est assez indécent d'ailleurs, mais enfin les gens disaient, finalement, leur mari... sont morts, mais elles ont touché de l'argent, vont refaire leur vie, tout ne va pas si mal. Pour pas dire tout va si bien. C'est quoi la part de vérité là-dedans? La part de vérité, c'est qu'effectivement, les indemnités n'ont pas été ce que les gens pouvaient supposer. C'était vraiment une supposition. Et puis, il y a eu, si vous voulez, un moment, moi, ce que j'appelle un peu de la jalousie, quand même, qui s'est installée. C'est-à-dire que vous aviez encore un mineur qui travaillait encore tous les jours, qui gagnait péniblement sa vie, d'accord ? Au fruit. Et puis vous aviez la veuve qui allait avoir, sans travailler, qui n'a jamais non plus travaillé de sa vie, allait peut-être avoir le même argent, d'accord ? Sans travailler. Donc il y a eu un phénomène de jalousie qui est installé. Après, concernant la solidarité nationale, je vais dire, de tous les puits de France et d'ailleurs, je peux vous assurer que oui, ils ont eu un peu d'argent, mais pas des milliers de francs et des milliers de francs. Donc il faut relativiser, je crois que... Il y avait quand même une chose qui était très importante à mes yeux, si on parle de veuves joyeuses, c'est que ces veuves, autant qu'elles soient, a fallu éduquer leurs enfants toute leur vie. Elles se sont retrouvées seules du jour au lendemain. Et je crois que sans aide aucune, pas eu d'aide. Donc il a fallu quand même, quand une mère se retrouve seule en quelques heures, quelques minutes, assurer derrière l'éducation des enfants, leur concevoir la vie la meilleure, surtout pas les envoyer à la mine. Je crois que le mot joyeuse, c'est vraiment... Indécent. Bien. Toute dernière chose, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien, votre regard sur l'épilogue judiciaire de cette affaire. Pour moi, c'est plutôt un jugement technique avant tout. Il n'a pas été pris en compte des tas d'éléments. Effectivement, le jugement fait apparaître que les houillères en sont tenues responsables. Vous avez M. Coquidet qui a été condamné un peu pour la forme, je veux dire, alors qu'il l'a très très très mal vécu, parce que c'était, j'en parlais encore il y a tout récemment, c'est un monsieur très très honnête. Et donc, je crois que c'est avant tout un jugement purement technique, qui n'a pas pris en les valeurs des gens et leurs considérations. Il nous reste à vous adresser un grand merci, André Vérel, pour votre témoignage et la sincérité de celui-ci. Au revoir. Au revoir. C'est...